bif, que du bif, que du bif. Que du bif, que du bif. Que de la mif, que de la mif. Que du bif. Rio, Cancun, Marbella. Comme moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Annie Ribera. J'ai la classe comme Annie Ribera. Première place pour Cuba. Escala, Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Que du bif, que du bif. Que du bif, que du bif. Tu connais pas, vous connaissez pas ça? Est-ce que t'as une bonne basse? Est-ce que tu sais jouer ce style de batterie? 1, 2, 3. Vous connaissez pas Mirador? Tu connais pas Mirador, Zig? Ouais, c'est ça. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe au Comani Rivera. Cigarillo dans le barrio. Parfum, vanilla, mucho dinero. J'ai juste invité à dîner. Elle dans sa tête, elle veut déjà se marier. Que du bif, que du bif, que du bif. que la mif, que la mif, que la mif, que du bif, que du bif, que du bif, que la mif, que la mif. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, je change mon décor. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif, que du bif, que du bif. Mettre la daronne à l'abri, je donnerai tout pour ma famille. S'éloigner des ennemis, faire plaisir à mon papy. Je veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Billet violet vient de caramello. Je veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Trafiquante est toujours dans le bendo. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que le bif. Que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif. Que du bif. Oh yeah, ça c'est pour Chloé. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Allez. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, je chante en décor. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. Depuis le Mirador, c'était pour Chloé. Ouais, ouais, c'était cool, bravo, bravo, bravo, bravo. Yeah! Je vais vous faire écouter l'original. L'original, c'est ça. Voilà l'original. Pas rapide, attends. Je vais vous faire écouter l'original avec la verse. J'ai perdu le... pas de document récent là. Récent. Emplacement récent. Il n'y a pas emplacement récent.